Sainte Bible selon saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur, et dirent: Chantons le Seigneur, car il s'est glorieusement signalé. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. Ma force et ma louange, c'est le Seigneur, car il est devenu mon salut. C'est mon Dieu, et je le glorifierai. Le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. Le Seigneur est comme un combattant, le Tout-Puissant est son nom. Il a lancé les chars de Pharaon et son armée dans la mer, et ses princes d'élite ont été submergés dans la mer rouge. Les abîmes les ont couverts, ils sont défendus au profond du gouffre comme une pierre. Votre droite, Seigneur, s'est signalée dans sa force. Votre droite, Seigneur, a frappé l'ennemi. Et par la grandeur de votre gloire, vous avez renversé vos adversaires. Vous avez envoyé votre colère qui les a dévorés comme la paille. Et au souffle de votre fureur, les eaux se sont amoncelées. L'onde qui coulait s'est arrêtée, et les abîmes se sont amoncelés au milieu de la mer. L'ennemi a dit: Je poursuivrai, je saisirai, je partagerai les dépouilles. Mon âme sera remplie, je tirerai mon glaive, ma main les tuera. Votre vent a soufflé, et la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme le plomb dans des eaux impétueuses. Qui est semblable à vous parmi les forts, ô Seigneur? Qui est semblable à vous, magnifique en sainteté, terrible et digne de louange, faisant des prodiges? Vous avez étendu votre main, et la terre les a dévorés. Dans votre miséricorde, vous avez été un guide pour le peuple que vous avez racheté. Et vous l'avez porté dans votre force jusqu'à votre demeure sainte. Les peuples sont montés et ont été irrités. Les douleurs ont saisi les habitants de la Palestine. Alors les princes de l'Idumée ont été violemment troublés. La peur a saisi les forts de Moab. Tous les habitants de Canaan ont été glacés d'effroi. Que l'épouvante et l'effroi fondent sur eux à cause de l'étendue de votre bras. Qu'ils deviennent immobiles comme une pierre, jusqu'à ce que soit passé votre peuple, ô Seigneur, jusqu'à ce que soit passé ce peuple que vous vous êtes acquis. Vous les introduirez et vous les planterez sur la montagne de votre héritage, dans votre demeure inébranlable que vous avez faite, Seigneur. C'est votre sanctuaire qu'ont affermi vos mains. Le Seigneur régnera dans l'éternité et au-delà. Car Pharaon est entré à cheval dans la mer, avec ses chars et ses cavaliers. Et le Seigneur a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, prophétesse, sœur d'Aaron, prit donc un tambour en sa main, et toutes les femmes sortirent après elle avec des tambours en chœur. Elles chantaient devant elle, disant: Chantons le Seigneur, car il s'est glorieusement signalé. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. Or Moïse fit sortir Israël de la mer rouge, et ils allèrent au désert de Sour. Et ils marchèrent 3 jours dans la solitude, et ils ne trouvaient pas d'eau. Et ils vinrent à Mara, mais ils ne pouvaient pas boire des eaux de Mara, parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi il donna un nom conforme au lieu, l'appelant Mara, c'est-à-dire amertume. Et le peuple murmura contre Moïse, disant: Que boirons-nous? Mais Moïse cria au Seigneur, qui lui montra un bois. Lorsqu'il l'eut jetée dans les eaux, elles devinrent douces. Là, le Seigneur lui donna des préceptes et des ordonnances, et là, il le tenta, disant: Si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit devant lui, et que tu obéisses à ses commandements, et que tu gardes tous ses préceptes, je n'amènerai sur toi aucune de ces maladies que j'ai introduites en Égypte, car c'est moi le Seigneur qui te guérit. Ensuite les enfants d'Israël vinrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent auprès des eaux. Et ils partirent d'Élim, et toute la multitude des enfants d'Israël vint au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après qu'ils furent sortis de la terre d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Et les enfants d'Israël leur dirent: « Plût à Dieu que nous fussions morts par la main du Seigneur dans la terre d'Égypte.

et la maison d'Israël appela cette nourriture du nom de manne. Elle était blanche comme une graine de coriandre, et son goût, celui de la fleur de farine mêlée avec du miel. Or Moïse dit, « Voici les paroles qu'a ordonné le Seigneur. Emplissez-en un gomor, et qu'il soit gardé dans les générations qui doivent venir dans la suite, afin qu'elles connaissent le pain dont je vous ai nourri dans le désert, quand vous aurez été retirés de la terre d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase et mets-y de la manne, autant que peut en contenir un gomor, et place-le devant le Seigneur afin de le conserver en vos générations, comme a ordonné le Seigneur à Moïse. » Et Aaron le plaça dans le tabernacle pour être réservé. Or les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils vinrent en une terre habitable. C'est de cet aliment qu'ils furent nourris, jusqu'à ce qu'ils touchèrent aux confins de la terre de Canaan. Or le gomor est la dixième partie de l'épi. Ainsi toute la multitude des enfants d'Israël, étant partie du désert de Sin et ayant fait des séjours selon les paroles du Seigneur, ils campèrent à Raphidim, où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple, qui, querellant Moïse, dit « Donne-nous de l'eau, afin que nous buvions. » Moïse leur répondit « Pourquoi me querellez-vous? Pourquoi tentez-vous le Seigneur ?» Là donc le peuple eut soif à cause de la pénurie d'eau, et il murmura contre Moïse, disant « Pourquoi nous as-tu fait sortir de l'Égypte? Pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos bêtes ?» Or Moïse cria au Seigneur, disant « Que ferai-je à ce peuple-ci? Encore un peu, et il me lapidera. » Et le Seigneur répondit à Moïse, « Marche devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Et la verge dont tu as frappé le fleuve, prends-la en ta main et va. Voilà que moi, je me tiendrai là devant toi sur la pierre d'Horeb. Et tu frapperas la pierre, et il en sortira de l'eau, afin que le peuple boive. » Moïse fit ainsi devant les anciens d'Israël, et il appela ce lieu du nom de Tentation, à cause de la querelle des enfants d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté le Seigneur, disant « Le Seigneur est-il parmi nous ou non ?» Or Amalek vint, et il combattait contre Israël à Raphidim. Et Moïse dit à Josué « Choisis des hommes, et étant sorti, combat contre Amalek. Demain, moi je me tiendrai au sommet de la colline, ayant la verge de Dieu en ma main. » Josué fit comme avait dit Moïse, et ils combattaient contre Amalek. Mais Moïse et Aaron et Hur montèrent sur le sommet de la colline. Et lorsque Moïse élevait les mains, Israël était victorieux. Mais s'il les abaissait un peu, Amalek l'emportait. Or les mains de Moïse étaient appesanties. Prenant donc une pierre, ils la mirent sous lui. Il s'y assit, mais Aaron et Hur soutenaient ses mains des deux côtés. Et il arriva que ses mains ne se lassèrent pas jusqu'au cocher du soleil. Et Josué mit en fuite Amalek et son peuple par le tranchant du glaive. Or le Seigneur dit à Moïse, « Écris ceci pour souvenir dans le livre, et fais-le entendre à Josué, car j'effacerai la mémoire d'Amalek sous le ciel. » Et Moïse bâtit un autel, et l'appela du nom de « Le Seigneur est mon exaltation ». Disant « La main du trône du Seigneur et la guerre du Seigneur seront contre Amalek, de génération en génération. » Or quand Jéthro, prêtre de Madian, parent de Moïse, eut appris tout ce que Dieu avait fait à Moïse et à Israël son peuple, et que le Seigneur avait retiré Israël de l'Égypte, il prit Séphora, femme de Moïse, que celui-ci lui avait renvoyée, et ses deux fils, dont l'un s'appelait Gersam, son père ayant dit « J'ai été voyageur dans une terre étrangère », et l'autre Éliézer, car le Dieu de mon père, avait-il dit, fut mon aide, et il m'a délivré du glaive de Pharaon. Jéthro donc, parent de Moïse, vint ainsi que ses fils et sa femme vers Moïse, dans le désert où il avait campé, près de la montagne de Dieu. Et il envoya vers Moïse, disant « Moi, Jéthro, ton parent, je viens à toi, ainsi que ta femme et tes deux fils avec elle. » Moïse étant sorti au devant de son parent, se prosterna et l'embrassa, et ils se saluèrent mutuellement par des paroles de paix. Et lorsque Jéthro fut entré dans la tente, Moïse raconta à son parent tout ce qu'avait fait le Seigneur à Pharaon et aux Égyptiens à cause d'Israël, et toute la peine qui lui était arrivée dans le chemin, et que le Seigneur les avait délivrés. Et Jéthro se réjouit de tous les biens qu'avait fait le Seigneur à Israël, de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et il dit: Bénis le Seigneur qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré son peuple de la main de l'Égypte. Maintenant je connais que le Seigneur est grand au-dessus de tous les dieux, parce que c'est en vain qu'ils ont agi insolemment contre eux. Jéthro donc, parent de Moïse, offrit des holocaustes et des hosties à Dieu. Et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent pour manger du pain avec lui devant Dieu. Or le jour suivant, Moïse s'assit pour juger le peuple qui se présentait devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Ce qu'ayant vu le parent de Moïse, c'est-à-dire tout ce qu'il faisait avec le peuple, il dit: Qu'est-ce que tu fais avec le peuple? Pourquoi es-tu assis? Et le peuple attend-il depuis le matin jusqu'au soir? Moïse lui répondit: Le peuple vient à moi, demandant le jugement de Dieu. Car lorsqu'il leur arrive quelque différend, ils viennent à moi, afin que je juge entre eux, et que je leur montre les préceptes de Dieu et ses lois. Mais celui-ci, tu ne fais pas, dit-il, une bonne chose. Par cet imprudent labeur, tu te consumes, toi et tout ce peuple qui est avec toi. L'affaire surpasse tes forces. Seul, tu ne pourras pas la soutenir. Mais écoute mes paroles et mes conseils, et Dieu sera avec toi. Sois toi-même au peuple dans les choses qui regardent Dieu, pour rapporter les paroles qui lui sont adressées, et pour montrer au peuple les cérémonies, et la manière de l'honorer, et la voie dans laquelle ils doivent accomplir. Mais choisis d'entre tout le peuple des hommes valeureux et craignant Dieu, en qui soit la vérité, et qui haïssent l'avarice, et fais-en des tribuns, des chefs de 100, de 50 et de 10 hommes. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils te rapportent tout ce qui sera plus important, et qu'eux-mêmes jugent seulement les affaires moins considérables. Alors la charge sera plus légère pour toi, le fardeau étant partagé avec d'autres. Si tu fais cela, tu rempliras l'ordre de Dieu, et tu pourras exécuter ses préceptes, et tout ce peuple retournera dans ses demeures en paix. Ces conseils entendus, Moïse fit tout ce que Jéthro lui avait suggéré. Ses conseils entendus, Moïse fit tout ce que Jéthro lui avait suggéré. Et ayant choisi des hommes vaillants de tout Israël, il les établit princes du peuple, tribuns, chefs de 100, de 50 et de 10 hommes. Ils jugeaient le peuple en tout temps, mais ils rapportaient à Moïse ce qui était le plus grave, jugeant seulement les affaires les plus faciles. Et Moïse laissa aller son parent, qui, s'en retournant, alla en son pays. Au troisième mois de la sortie d'Israël de la terre d'Égypte, en ce jour-là ils vinrent au désert de Sinaï. Car partis de Raphidim et parvenus jusqu'à ce désert, ils campèrent dans le même lieu. Et là Israël planta ses tentes vis-à-vis de la montagne de Sinaï. Or Moïse monta vers Dieu, et le Seigneur l'appela de la montagne. Et dis: Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, et que tu annonceras aux enfants d'Israël. Vous-même, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, de quelle manière je vous ai portés sur des ailes d'aigle, et que je vous ai pris pour moi. Si donc vous écoutez ma voix, et que vous gardiez mon alliance, vous serez pour moi une portion choisie d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume sacerdotal, et une nation sainte. Ce sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint, et les anciens du peuple assemblés, il exposa toutes les paroles qu'avait ordonnées le Seigneur. Et tout le peuple répondit ensemble: Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Or, quand Moïse eut rapporté les paroles du peuple au Seigneur, le Seigneur lui dit: Dès maintenant je viendrai à toi, dans l'obscurité de la nuée, afin que le peuple m'entende te parlant et qu'il te croie pour toujours. Moïse donc annonça les paroles du peuple au Seigneur, qui lui dit: Va vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. et qu'il soit prêt pour le troisième jour. Car au troisième jour, le Seigneur descendra devant tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras des limites pour le peuple tout autour, et tu leur diras: Gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher les limites. Quiconque touchera la montagne mourra de mort. Aucune main ne la touchera, mais il sera lapidé ou percé de traits. Soit que ce soit une bête ou un homme, il ne vivra pas. Quand la trompette commencera à sonner, qu'alors il monte sur la montagne. Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple et le sanctifia. Et quand ils eurent lavé leurs vêtements, il leur dit: Soyez prêts pour le troisième jour, et ne vous approchez point de vos femmes. Et déjà le troisième jour était venu, et le matin avait répandu sa lumière. Et voilà que des tonnerres commencèrent à se faire entendre, des éclairs à briller, et une nuée très épaisse à couvrir la montagne. Et le son d'une trompette retentissait très fortement. Et la peur saisit le peuple qui était dans le camp. Et lorsque Moïse les eut conduits du lieu où était le camp à la rencontre de Dieu, ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or toute la montagne de Sinaï fumait, parce que le Seigneur y était descendu au milieu du feu. Et la fumée en montait comme une fournaise. Aussi toute la montagne aspirait la terreur. Et le son de la trompette augmentait insensiblement de plus en plus, et se répandait plus au loin. Moïse parlait, et Dieu lui répondait. Et le Seigneur descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet même de la montagne, et il appela Moïse sur son faîte. Lorsqu'il y fut monté, il lui dit: Descends et adjure le peuple, de peur qu'il ne veuille dépasser les limites pour voir le Seigneur, et qu'il n'en périsse une grande multitude. Que les prêtres aussi qui s'approchent du Seigneur soient sanctifiés, pour ne pas qu'ils les frappent. Et Moïse répondit au Seigneur: Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car vous-même vous l'avez assuré et ordonné, disant: Mets des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Et le Seigneur lui dit: Va, descends, et tu monteras, toi et Aaron avec toi. Mais que les prêtres et le peuple ne passent point les limites, et ne monte point vers le Seigneur, de peur qu'il ne les fasse mourir. Moïse descendit donc vers le peuple, et il leur raconta toutes ces choses. Le Seigneur dit ensuite toutes ces paroles: Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai retiré de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point de dieux étrangers devant moi. Tu ne feras point d'image taillée au ciseau, ni aucune représentation de ce qui est en haut dans le ciel, et de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne les adoreras point, ni ne les honoreras. Car c'est moi qui suis le Seigneur, ton Dieu, fort, jaloux, visitant l'iniquité des pères dans les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde des milliers de fois à ceux qui m'aiment et gardent mes préceptes. Tu ne prendras point le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne regardera pas comme innocent celui qui aura pris le nom du Seigneur son Dieu en vain. Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tous tes ouvrages, mais au septième jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage en ce jour, ni toi, ni ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, ta bête et l'étranger qui est au-dedans de tes portes. Car c'est en 6 jours que le Seigneur a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé au septième jour. C'est pour cela que le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois d'une longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donnera. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras point de vol, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, et tu ne désireras point sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune des choses qui sont à lui. Or tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les éclairs et la montagne fumante. C'est pourquoi, épouvantés et frappés de terreur, ils se tinrent au loin, disant à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que le Seigneur ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Et Moïse répondit au peuple, « Ne craignez point, car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu, et pour que sa crainte soit en vous, et que vous ne péchiez point. » Le peuple donc se tint au loin, mais Moïse s'approcha de l'obscurité dans laquelle était Dieu. Outre cela, le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu vous-même que du haut du ciel je vous ai parlé. Vous ne ferez point de Dieu d'argent, et vous ne ferez point de Dieu d'or. Vous me ferez un autel de terre, et vous m'offrirez dessus vos holocaustes et vos hosties pacifiques, vos brebis et vos bœufs, dans tout lieu dans lequel sera la mémoire de mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Que si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras point de pierre taillée, car si tu lèves le couteau dessus, il sera souillé. Tu ne monteras point par des degrés à mon autel, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Voici les ordonnances de justice que vous proposerez au peuple. Si vous achetez un esclave hébreu, il vous servira durant 6 ans, et au 7e, il sortira libre sans vous rien donner. Il s'en ira de chez vous avec le même vêtement qu'il y est entré. S'il avait une femme, elle sortira aussi avec lui. Mais si son maître lui en a fait épouser une, dont il a eu des fils et des filles, sa femme et ses enfants seront à son maître, et pour lui il sortira avec son vêtement. Que si l'esclave dit « J'aime mon maître et ma femme et mes enfants, je ne veux point sortir pour être libre. » Son maître le présentera devant les dieux. Et ensuite, l'ayant fait approcher des poteaux de la porte, il lui percera l'oreille avec un poinçon, et il demeurera son esclave à jamais. Si quelqu'un a vendu sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme les autres esclaves ont coutume de sortir. Si elle déplaît au maître à qui elle avait été donnée, il la laissera aller, mais l'ayant ainsi méprisée, il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger. Que s'il l'a fait épouser à son fils, il la traitera comme ses filles. Mais s'il épouse une autre femme, il donnera à l'esclave ce qui lui est dû pour son mariage, des vêtements et le prix de sa virginité. Que s'il ne fait point ces 3 choses, elle sortira libre sans qu'il en puisse tirer d'argent. Si quelqu'un frappe un homme avec dessein de le tuer, qu'il soit puni de mort. Quant à celui qui ne lui a point dressé d'embûche, mais entre les mains duquel Dieu l'a fait tomber, je vous marquerai un lieu où il pourra se réfugier. Si quelqu'un tue son prochain de dessein prémédité, et lui ayant dressé des embûches, vous l'arracherez même de mon autel pour le faire mourir. Celui qui aura frappé son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui aura enlevé un homme et l'aura vendu, s'il est convaincu de ce crime, sera puni de mort. Celui qui aura maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Si 2 hommes se querellent et que l'un frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, et que le blessé n'en meure pas, mais qu'il soit obligé de garder le lit, s'il se lève ensuite et qu'il marche dehors, s'appuyant sur son bâton, celui qui l'avait blessé sera regardé comme innocent. Mais il sera obligé de le dédommager pour son interruption de travail et de lui rendre tout ce qu'il aura donné à ses médecins. Si un homme frappe son esclave ou sa servante avec une verge et qu'il meure entre ses mains, il sera coupable de crime. Mais s'il survive 1 ou 2 jours, il n'en sera point puni, car c'est son argent. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux ayant frappé une femme enceinte, elle accouche d'un enfant mort, sans qu'elle meure elle-même, il sera obligé de payer ce que le mari de la femme voudra,

il ne restituera pas, surtout s'il était venu pour la louer, pour le prix de son travail. Si quelqu'un séduit une vierge non encore fiancée, et dort avec elle, il la dotera et la prendra pour femme. Si le père de la vierge ne veut pas la donner, il rendra de l'argent selon la dot que les vierges ont coutume de recevoir. Tu ne laisseras pas vivre ceux qui usent de maléfices. Que celui qui commet un crime avec une bête meure de mort. Celui qui sacrifie à d'autres dieux qu'au Seigneur seul sera mis à mort. Tu ne contristeras point l'étranger et tu ne l'affligeras point, car vous avez été étrangers vous-même dans la terre d'Égypte. Vous ne nuirez point à la veuve et à l'orphelin. Si vous les offensez, ils crieront fortement vers moi, et j'entendrai leur clameur, et ma fureur s'indignera. Puis je vous frapperai du glaive, et vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple pauvre qui habite avec toi, tu ne le presseras point comme un exacteur, et tu ne l'accableras point d'usure. Si tu prends en gage de ton prochain un vêtement, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est le seul dont il se couvre, le seul vêtement de sa chair, et il n'en a pas un autre dans lequel il dorme. S'il crie vers moi, je l'exaucerai, parce que je suis miséricordieux. Tu ne parleras point mal des dieux, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne différeras point à rendre tes dîmes et tes prémices, tu me donneras le premier-né de tes fils. Pour tes bœufs aussi et tes brebis tu feras de même. Que pendant 7 jours le premier-né soit avec sa mère, et au 8e jour tu me le rendras. Vous me serez des hommes consacrés. Vous ne mangerez point de la chair dont les bêtes sauvages auront déjà goûté, mais vous la jetterez aux chiens. Tu n'accueilleras point une parole de mensonge, et tu ne prêteras pas ta main de manière à dire en faveur de l'impie un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et en jugement, tu n'acquiesceras pas à l'avis du plus grand nombre pour dévier de la vérité. Tu n'auras point non plus compassion du pauvre en jugement. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, ramène-le lui. Si tu vois l'âne de celui qui te hait tomber sous le fardeau, tu ne passeras pas outre, mais tu le relèveras avec lui. Ne fais point d'écart dans le jugement du pauvre. Tu fuiras le mensonge. Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, parce que j'ai l'impie en aversion. Tu ne recevras point de présent qui aveugle même les sages et corrompe les paroles des justes. Tu ne seras point fâcheux pour l'étranger, car vous connaissez les âmes des étrangers, puisque vous-même vous avez été étranger dans la terre d'Égypte. Pendant 6 ans tu sèmeras ta terre et tu en recueilleras les fruits. Mais à la 7e année, tu la laisseras et tu la feras reposer, afin que les pauvres de ton peuple le mangent, et que tout ce qui sera de reste, les bêtes de la campagne le mangent. Ainsi tu feras pour ta vigne et pour ton plant d'olivier. Pendant 6 jours tu travailleras, mais au 7e jour tu cesseras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante et l'étranger reprennent des forces. Gardez toutes les choses que je vous ai dites, et vous ne jugerez point par le nom des dieux étrangers, et on ne l'entendra pas de votre bouche. 3 fois chaque année vous célébrerez des fêtes en mon honneur. Tu garderas la solennité des azimes. Durant 7 jours tu mangeras des azimes, comme je t'ai ordonné au temps du mois des nouveaux fruits quand tu es sorti de l'Égypte. Tu ne paraîtras pas en ma présence les mains vides. Tu garderas de plus la solennité de la moisson des prémices de ton travail, quoi que ce soit que tu aies semé dans ton champ, et aussi la solennité à la fin de l'année, quand tu auras recueilli tous les fruits de ton champ. 3 fois dans l'année paraîtront tous tes mâles en présence de moi, le Seigneur, ton Dieu. Tu ne sacrifieras point sur du levain le sang de ma victime, et la graisse de ma solennité ne demeurera point jusqu'au matin. Tu apporteras les prémices du fruit de ta terre dans la maison du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voilà que moi, J'enverrai mon ange, afin qu'il te précède et te garde dans le chemin, et qu'il t'introduise dans le lieu que j'ai préparé. Respecte-le, écoute sa voix, et ne pense pas à le mépriser, parce qu'il ne te pardonnera point lorsque tu pécheras, et que mon nom est en lui. Que si tu écoutes sa voix, et que tu fasses tout ce que je te dis, je serai un ennemi pour ton ennemi, et j'affligerai ceux qui t'affligeront. Et mon ange te précédera, et il t'introduira chez l'Amoréen, l'Éthéen, le Phérézéen, le Cananéen, l'Évéen et le Jébuséen que j'écraserai. Tu n'adoreras point leurs dieux et tu ne les serviras pas. Tu ne feras point leur œuvre, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statues. Vous servirez le Seigneur votre Dieu, afin que je bénisse tes pains et tes eaux, et que j'enlève la maladie du milieu de toi. Il n'y aura ni femme inféconde ni stérile dans ta terre. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur en avant de toi. Et je ferai mourir tout peuple chez lequel tu entreras. Et je ferai tourner le dos à tous tes ennemis devant toi, en voyant d'abord les frelons qui mettront en fuite l'Évéen, le Cananéen et l'Éthéen, avant que tu entres. Je ne les chasserai pas de devant ta face en une seule année, de peur que la terre ne soit réduite en solitude et que les bêtes sauvages ne se multiplient contre toi. C'est peu à peu que je les chasserai de ta présence, jusqu'à ce que tu croisses en nombre et que tu possèdes cette terre. Je poserai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve. Je livrerai entre vos mains les habitants de cette terre et les chasserai de votre présence. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu, qu'ils n'habitent point dans ta terre, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, si tu sers leur Dieu, ce qui certainement serait pour toi un scandale. Dieu dit aussi à Moïse, Monte vers le Seigneur, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et les 70 anciens d'Israël, et vous adorerez de loin. Et Moïse seul montera vers le Seigneur, et eux ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint donc et raconta au peuple toutes les paroles du Seigneur et ses ordonnances. Et tout le peuple répondit d'une seule voix, Nous accomplirons toutes les paroles que le Seigneur a dites. Or Moïse écrivit tous les discours du Seigneur, et le matin, se levant, il bâtit un autel au pied de la montagne, et 12 monuments selon les 12 tribus d'Israël. Et il envoya les jeunes gens d'entre les enfants d'Israël, et ils offrirent des holocaustes, et ils immolèrent des victimes pacifiques au Seigneur, des veaux. Et ils immolèrent des victimes pacifiques au Seigneur, des veaux. C'est pourquoi Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des coupes. Mais la partie qui restait, il la répandit sur l'autel. Prenant ensuite le livre de l'Alliance, il lut, le peuple écoutant, lequel dit, Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Et nous serons obéissants. Or Moïse ayant pris le sang, le répandit sur le peuple, et dit, Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Alors montèrent Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, et les 70 anciens d'Israël. Et ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds comme un ouvrage de pierre de saphir et comme le ciel lorsqu'il est serein. Et Dieu ne lança pas sa main sur ceux des enfants d'Israël qui s'étaient retirés au loin, et ils virent Dieu, puis ils mangèrent et ils burent. Or le Seigneur dit à Moïse, Monte vers moi sur la montagne et sois là. Je te donnerai les tables de pierre, et la loi et le commandement que j'ai écrits, afin que tu les enseignes. Moïse et Josué, son serviteur, se levèrent, et Moïse, montant sur la montagne de Dieu, dit aux anciens, Attendez ici jusqu'à ce que nous retournions à vous. Vous avez Aaron et Hur avec vous. S'il n'est quelque question, vous leur en ferez le rapport. Et lorsque Moïse fut monté, la nuée couvrit la montagne. Et la gloire du Seigneur reposa sur Sinaï, le couvrant de la nuée pendant 6 jours. Mais au 7e jour, il appela Moïse du milieu de l'obscurité. Or l'aspect de la gloire du Seigneur était comme un feu ardent sur le sommet de la montagne, en la présence des enfants d'Israël. Et Moïse étant entré au milieu de la nuée, monta sur la montagne, et il fut là 40 jours et 40 nuits. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, dis aux enfants d'Israël, qu'ils prennent pour moi des prémices. Vous les recevrez de tout homme qui les offrira de son plein gré. Or voici ce que vous devez recevoir: de l'or, de l'argent et de l'airain, de l'hyacinthe, de la pourpre, de l'écarlate deux fois teinte, du fin lin, des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux violettes, et des bois de sétim, de l'huile pour entretenir les luminaires, des aromates pour le parfum à oindre, et des parfums à brûler d'une excellente odeur, des pierres d'onyx et des pierres précieuses pour orner l'éphod et le rational. Et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Il y aura une ressemblance parfaite avec le tabernacle que je te montrerai, et avec tous les vases consacrés à son service. Or, c'est ainsi que vous le ferez. Construisez une arche de bois de sétim, dont la longueur est 2 coudées et demie, la largeur 1 coudée et demie, la hauteur, pareillement, 1 coudée et demie. Puis tu la doreras d'un or très pur, au dedans et au dehors. Et tu feras dessus une couronne d'or tout autour, et 4 anneaux d'or que tu mettras aux 4 coins de l'arche, que 2 anneaux soient à un côté et 2 à l'autre. Tu feras aussi des leviers de bois de sétim, et tu les couvriras d'or, et tu les introduiras dans les anneaux qui sont aux côtés de l'arche, pour qu'on la porte par leurs moyens. Ils seront toujours dans les anneaux, et jamais ils n'en seront retirés. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras aussi un propitiatoire d'un or très pur. La longueur tiendra 2 coudées et demie, et sa largeur 1 coudée et demie. Tu feras de plus 2 chérubins d'or et ductile des 2 côtés de l'oracle, qu'un chérubin soit d'un côté et l'autre de l'autre côté. Qu'il couvre les 2 côtés du propitiatoire, étendant les ailes et ombrageant l'oracle. Et qu'ils se regardent l'un l'autre, les visages tournés vers le propitiatoire, dont doit être couverte l'arche dans laquelle tu mettras le témoignage que je te donnerai. C'est de là que j'ordonnerai, et je te dirai au-dessus du propitiatoire et du milieu des 2 chérubins, qui seront l'arche du témoignage, tout ce que je commanderai par toi aux enfants d'Israël. Tu feras aussi une table de bois de sétim, ayant 2 coudées de longueur, et en largeur 1 coudée et demie. Et tu la doreras d'un or très pur, et tu lui feras une bordure d'or tout autour, et à la bordure elle-même une couronne de sculpture à jour haute de 4 doigts, et au-dessus d'elle une autre couronne d'or. Tu prépareras aussi 4 anneaux d'or, et tu les poseras aux 4 coins de cette même table, un à chaque pied. Au-dessous de la couronne seront les anneaux d'or, pour qu'on y passe les leviers, et qu'on puisse porter la table. Les leviers eux-mêmes, tu les feras aussi de bois de sétim, et tu les doreras tout autour pour porter la table. Tu prépareras encore des plats, des patères, des encensoirs et des tasses en or très pur, dans lesquelles doivent être offertes les libations. Et tu placeras sur la table des pains de proposition, toujours en ma présence. Tu feras aussi un chandelier ductile d'un or très pur, sa tige, ses branches, ses coupes, ses pommes et ses lys qui en sortiront. 6 branches sortiront des côtés, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Il y aura 3 coupes en forme de noix à une branche, ainsi qu'une pomme et un lys. Et pareillement 3 coupes en forme de noix à une autre branche, ainsi qu'une pomme et un lys. Tel sera le travail des 6 branches qu'on devra faire sortir de la tige. Mais au chandelier lui-même, il y aura 4 coupes en forme de noix, et des pommes à chacune, ainsi que des lys. Il y aura des pommes en 3 endroits sous les 2 branches, qui font ensemble 6, sortant d'une seule tige. Ainsi, et les pommes et les branches sortiront du chandelier lui-même, toutes ductiles d'un or très pur. Tu feras de plus 7 lampes, et tu les mettras au-dessus du chandelier, afin qu'elles éclairent vis-à-vis l'une de l'autre. Et aussi que des mouchettes et des vases où les lumignons doivent s'éteindre soient faits d'un or très pur. Tout le poids du chandelier, avec tout ce qui sert à son usage, sera 1 talent d'or très pur. Regarde,

Tu placeras aussi le propitiatoire sur l'arche du témoignage, dans le saint des saints, et la table en dehors du voile, et vis-à-vis de la table, le chandelier du côté méridional du tabernacle, car la table sera du côté de l'aquilon. Tu feras aussi à l'entrée du tabernacle un voile d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate deux fois teinte et de fin lin retors en ouvrage de brodeur. Et tu doreras 5 colonnes de bois de sétim, auxquelles sera suspendu le voile, dont les chapiteaux seront d'or et les soubassements d'airain. Tu feras encore un autel de bois de sétim, qui aura 5 coudées en longueur et autant en largeur, c'est-à-dire carré, et 3 coudées en hauteur. Mais les cornes en sortiront aux 4 angles, et tu le couvriras d'airain. Et tu feras à son usage des chaudières pour recevoir les cendres, des pincettes, des fourchettes et des brasiers, et tu feras tous ses instruments en airain. Tu feras encore une grille d'airain en forme de raie. À ses 4 angles seront des anneaux d'airain que tu mettras au-dessous du foyer de l'autel, et la grille viendra jusqu'au milieu de l'autel. Tu feras aussi 2 leviers d'autel de bois de sétim que tu couvriras de lames d'airain, et tu les passeras dans les anneaux, et ils seront des 2 côtés de l'autel pour le porter. Tu ne feras point l'autel solide, mais vide et creux au-dedans, comme il t'a été montré sur la montagne. Tu feras aussi le parvis du tabernacle au côté austral, duquel seront contre le midi des rideaux de fin lin retors. Un seul côté tiendra 100 coudées en longueur. Et tu y poseras 20 colonnes, avec autant de soubassements d'airain, lesquelles auront leurs chapiteaux avec leurs ornements d'argent. De même aussi, du côté de l'aquilon, il y aura des rideaux de 100 coudées de long. 20 colonnes et ses soubassements d'airain, de même nombre, leurs chapiteaux avec leurs ornements seront d'argent. Mais dans la largeur du parvis qui regarde l'occident, il y aura dans l'espace de 50 coudées des rideaux, 10 colonnes et autant de soubassements. De même, dans la largeur du parvis, laquelle regarde l'Orient, il y aura 50 coudées, dans lesquelles seront affectés à un côté des rideaux de 15 coudées, 3 colonnes et autant de soubassements. Et de l'autre côté seront des rideaux ayant 15 coudées, 3 colonnes et autant de soubassements. Mais à l'entrée du parvis, on fera un rideau de 20 coudées, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate deux fois teinte et d'un fin lin retors en ouvrage de brodeur. Cette entrée aura 4 colonnes et autant de soubassements. Toutes les colonnes du parvis seront revêtues tout autour de lames d'argent. Elles auront des chapiteaux d'argent et des soubassements d'airain. En longueur, le parvis aura 100 coudées, en largeur 50, sa hauteur sera de 5 coudées, et il sera fait de fin lin retors et il aura des soubassements d'argent. Tous les vases du tabernacle destinés à tous les usages et à toutes les cérémonies, tant ces pieux que ceux du parvis, tu les feras d'airain. Ordonne aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile d'olivier très pure épilée au mortier, afin qu'une lampe brûle toujours dans le tabernacle de témoignage, en dehors du voile qui est suspendu devant le témoignage. Et Aaron et ses fils la placeront, afin qu'elle éclaire jusqu'au matin devant le Seigneur. Ce sera un culte perpétuel durant leur succession parmi les enfants d'Israël. Fais aussi approcher de toi Aaron ton frère avec ses fils du milieu des enfants d'Israël, afin qu'ils exercent les fonctions du sacerdoce pour moi. Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Et tu feras un vêtement saint à Aaron ton frère pour la gloire et l'ornement. Et tu parleras à tous les sages de cœur que j'ai remplis de l'esprit de prudence, pour qu'ils fassent à Aaron des vêtements, par lesquels, étant sanctifié, il me servira. Or voici les vêtements qu'ils feront: un rational, un éphod, une robe et une tunique de lin étroite, une tiare et une ceinture. Ainsi ils feront des vêtements saints à ton frère Aaron et à ses fils, afin qu'ils exercent les fonctions du sacerdoce pour moi. Et ils prendront l'or, l'hyacinthe, la pourpre, l'écarlate deux fois teinte et le fin lin. Or, ils feront l'éphod d'or, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate deux fois teinte et de fin lin retors, d'un ouvrage en tissu de diverses couleurs. Il y aura aux deux côtés de ces sommités deux bandes jointes, de manière à former une seule pièce. Le tissu lui-même et tous les ouvrages divers seront d'or, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate deux fois teinte et de fin lin retors. Et tu prendras deux pierres d'onyx, et tu graveras sur elles les noms des fils d'Israël, six noms sur une pierre, et les six autres sur une autre, selon l'ordre de leur naissance. Au moyen de travail de sculpteur et de la taille d'un lapidaire, tu graveras sur les pierres les noms des fils d'Israël. Après les avoir enchâssés dans l'or et les en avoir environnés, et tu les mettras sur les deux côtés de l'éphod, souvenir pour les enfants d'Israël. Et Aaron portera sur ses épaules leurs noms devant le Seigneur pour souvenir. Tu feras encore des agrafes d'or et deux chaînettes d'un or très pur, se tenant l'une à l'autre, que tu attacheras aux agrafes. Tu feras aussi le rational du jugement, d'un ouvrage en tissu de diverses couleurs, selon la tissure de l'éphod, d'or, d'hyacinthe, de pourpre écarlate deux fois teinte et de fin lin retors. Il sera carré et double, et il aura la mesure d'une palme, tant en longueur qu'en largeur. Tu y mettras quatre rangs de pierres. À la première rangée, il y aura une sardoise, une topaze et une émeraude. À la seconde, une escarboucle, un saphir et un jaspe. À la troisième, un ligure, une agate et une améthyste. À la quatrième, un chrysolite, un onyx et un béryl. Ils seront enchâssés dans de l'or selon leur rang. Et ils porteront les noms des fils d'Israël. Leurs douze noms seront gravés, chaque nom sur chaque pierre, selon les douze tribus. Tu feras pour le rational des chaînes, se tenant l'une l'autre, d'un or très pur, et deux anneaux d'or que tu mettras aux deux sommités du rational. Puis tu joindras les deux chaînes d'or par les anneaux qui sont au bord du rational, et tu attacheras les extrémités des chaînes, elles-mêmes, aux agrafes, aux deux côtés de l'éphod qui regarde le rational. Tu feras aussi deux anneaux d'or que tu mettras aux sommités du rational, sur les bords qui sont vis-à-vis de l'éphod, et regardent sa partie de derrière. Tu feras de plus deux autres anneaux d'or qui devront être posés aux deux côtés de l'éphod par en bas, côté qui regarde en face de la jonction inférieure, afin que le rational puisse s'adopter à l'éphod. Et que le rational soit attaché par ses anneaux aux anneaux de l'éphod, au moyen d'un ruban d'hyacinthe, afin que la jonction habilement faite se maintienne et que le rational et l'éphod ne puissent être séparés l'un de l'autre. Et Aaron portera les noms des fils d'Israël dans le rational du jugement sur sa poitrine lorsqu'il entrera dans le sanctuaire, souvenir en présence du Seigneur pour toujours. Or tu mettras sur le rational du jugement la doctrine et la vérité, qui seront sur la poitrine d'Aaron lorsqu'il entrera devant le Seigneur. Ainsi, il portera toujours le jugement des fils d'Israël sur sa poitrine en la présence du Seigneur. Tu feras encore, toute de couleur d'hyacinthe, la tunique de l'éphod, au milieu de laquelle il y aura dans le haut une ouverture, et autour d'elle un bord tissu, comme on a coutume d'en faire aux extrémités des vêtements pour ne pas qu'ils se déchirent facilement. Mais en bas, au pied de la même tunique, tu feras tout autour comme des grenades, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate deux fois teinte, en entremêlant des sonnettes, de sorte qu'il y ait une sonnette d'or et une grenade, et de nouveau une autre sonnette d'or et une grenade. Aaron en sera revêtu dans les fonctions du ministère, afin qu'on entende le son quand il entrera dans le sanctuaire en la présence du Seigneur. Aaron en sera revêtu dans les fonctions du ministère, afin qu'on entende le son quand il entrera dans le sanctuaire en la présence du Seigneur et qu'il en sortira, et qu'il ne meure point. Tu feras encore une lame d'un or très pur, sur laquelle tu graveras en ouvrage de ciseleur « La sainteté est au Seigneur ». Et tu la liras avec un ruban d'hyacinthe, et elle sera sur la tiare, dominant le front du pontife. Et Aaron portera les iniquités de ce que les enfants d'Israël auront offert et consacré dans tous leurs dons et présents. Or cette lame sera toujours sur son front, afin que le Seigneur leur soit propice. Et tu feras la tunique étroite de fin lin, tu feras aussi une tiare de fin lin, et une ceinture en ouvrage de brodeur. Mais au fils d'Aaron, tu prépareras des tuniques de lin, des ceintures et des tiares pour la gloire et l'ornement. Et tu revêtiras de tous ces vêtements Aaron ton frère et ses fils avec lui. Et tu consacreras les mains de tous, et tu les sanctifieras, afin qu'ils exercent les fonctions du sacerdoce pour moi. Tu feras aussi des caleçons de lin, afin qu'ils couvrent la chair de leur nudité depuis les reins jusqu'aux cuisses. Et Aaron et ses fils s'en serviront quand ils entreront dans le tabernacle de témoignage, ou quand ils s'approcheront de l'autel pour servir dans le sanctuaire, afin qu'ils ne meurent point coupables d'iniquité. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron et pour sa postérité après lui. Autrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.